Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le charnier de Paris Descartes. C'est en novembre 2019 qu'éclate le scandale dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Express. La journaliste Anne Jouan, photo à l'appui, révèle l'état terrifiant du centre des dons du corps à l'université Paris Descartes. En plein milieu du quartier latin, un charnier humain prospérait ainsi depuis près de 10 ans. Oui, un charnier, un cloaque immonde, déserté par toute forme d'humanité, où la dignité du corps humain, dans la vie comme dans la mort, fut quotidiennement piétinée par la folie des uns et la lâcheté des autres. Le tableau macabre que dépeint la journaliste suscite un dégoût sans précédent et invite à se poser de nombreuses questions. Depuis combien de temps ces pratiques durent-elles? Qui savait? Qui a couvert? Ce sont les prémices d'un scandale dont nous faisons aujourd'hui le récit. Car si la justice n'a pas encore rendu son verdict, ce sont bien les plus hautes sphères de la médecine française qui sont mises en cause. Face à elle, des familles de victimes ahuries et toute une société qui se demande comment, au nom de la médecine, de l'éducation et du progrès, des personnes ayant fait don de leur corps ont pu être à ce point profanées. Nos invités aujourd'hui, la journaliste Anne Jouan et David Arthur, fils de José Arthur, vice-président de l'association Charnier Descartes Justice et Dignité, regroupant plus de 200 familles de donneurs qui ont porté plainte auprès du parquet de Paris. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Ensemble pour sauver la vie. Ensemble pour sauver la vie. Et voilà, c'est ce soir. On va essayer de sauver la vie et d'en sauver plusieurs. Encourageons la médecine de demain. 23 novembre 2017, tout le gratin parisien est réuni dans l'élégant pavillon des Champs-Élysées. Pour ce pince-fesse, vedette de la chanson, du cinéma et de la mode, industriels et médecins, tous ont répondu à l'invitation du doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes, Gérard Friedlander. L'occasion, une grande soirée de soutien à la recherche médicale, organisée en collaboration avec Chanel. Le champagne coule à flot et chacun y va de sa petite profession de foi. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir répondu à l'appel de la faculté de médecine Paris Descartes et à l'appel de ceux qui, demain, peut-être vont vous sauver la vie. Moi, je suis là pour vous dire merci de donner, parce que c'est grâce à vous que nous sommes en train de réaliser le deuxième gala Sauver la vie, pour financer de la recherche, pour mieux former nos étudiants. Ce sont eux qui vous soigneront, qui nous soigneront demain. En une soirée, la Fondation récolte plus de 400 000 euros. Il se trouve que dans la culture de la prestigieuse faculté de médecine parisienne, on a le sens des mondanités, on sait faire. Les réceptions, cocktails et autres défilés de mode sont monnaie courante et font entrer beaucoup d'argent dans les caisses. Le doyen Friedlander incarne à merveille son rôle d'ambassadeur. Quand on fait du mécénat, il faut se prostituer, disait-il d'ailleurs à ses collaborateurs, comme le rapporte l'une d'entre elles dans les colonnes de L'Express. La faculté de médecine de Paris Descartes est la plus importante de France. Une fierté hexagonale que l'on célèbre à la télévision publique sous la houlette d'un animateur tendance beau monde. Avant de jouer dans la cour des grands, encore faut-il se former. La transmission, du savoir est une réussite en médecine, une mission dans laquelle la faculté de Paris excelle, vous nous l'avez dit, depuis 1253. C'est justement là que, Florian, vous vous êtes rendu et vous y avez croisé les grands médecins de demain, en quelque sorte. Les jeunes étudiants que vous avez croisés ont conscience d'être dans véritablement une institution de la médecine. Oui, ça leur plaît beaucoup. Ils ont choisi aussi, pour la plupart, cette université pour sa réputation d'excellence. En sachant qu'à Paris, depuis 1970, il n'y a plus une seule université. Elle a été divisée en trois. Il y a trois facultés de médecine à Paris. Et vous allez y voir des choses très surprenantes. Au 45 de la rue des Saints-Pères s'élève une immense porte de bronze qui marque l'entrée de la faculté de médecine, ouverte en 1953 pour pallier la saturation du bâtiment historique. C'est un immeuble austère de 8 étages, dont la façade est décorée simplement de quelques médaillons art déco. Sur l'un d'entre eux, on peut observer Hérophile, médecin grec effectuant la première dissection humaine de l'histoire. Au Saint-Père, comme on l'appelle communément, l'équipe de télé est invitée à visiter les mythiques 5e et 6e étages, le temple de l'anatomie française. Dès la 4e année, les étudiants passent la moitié de leur journée à l'hôpital. Et ils viennent aussi au 5e étage de cet immeuble, s'occuper de patients étonnants. Je suis en train de réaliser une coronarographie. Alors je vous rassure, personne n'a été assez fou pour me confier un vrai patient. Celui-là est électronique, c'est de la réalité virtuelle, c'est extrêmement réaliste, j'ai l'impression d'y être. Un médecin, lors d'une vraie opération avec un vrai patient, voit exactement la même chose. Bienvenue à Élu Mince. Il faut qu'on débute l'angioplastie. Je ne comprends vraiment pas ce que vous me dites. Mais il y a des portes que même Stéphane Bern, dont vous avez reconnu la voix tout à l'heure, ne peut ouvrir. Si on donne à voir le trait excentré du mince, fleuron de la simulation médicale installée dans le pavillon Rouvière, les portes qui ouvrent les pavillons Farabeuf et Poirier, juste à côté elles, restent closes. Et tout le monde sait ici ce qu'elles cachent. Derrière elles s'étendent les chambres froides du centre des dons du corps, le CDC et les vieilles salles de dissection. Pour un étudiant passé par Descartes, pas un professeur, pas une seule des têtes couronnées de la médecine française ne peut oublier ce qu'il a vu derrière ses portes. Mais dans la prestigieuse université, c'est encore l'omerta qui règne, pour l'instant. Car de ces pavillons s'échappe une odeur insoutenable que personne à l'étage ne peut faire semblant d'ignorer. En cette fin d'année 2017, l'enfer commence à déborder des murs qui l'entourent. J'enfonce maintenant mon couteau dans le trou occipital de façon à sectionner le bulbe le plus bas possible. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire basculer aussi en avant tout le tronc cérébral et le cervelet qui sont libérés, à amener l'ensemble que voici maintenant extrait. Et vous avez l'ensemble du cerveau encore recouvert par les méninges molles, et au-dessous, on aperçoit le cervelet, le tronc cérébral avec le bulbe. Dans ce reportage de l'ORTF datant de 1967, l'homme qui tient dans sa main un cerveau humain fraîchement extrait, sous le regard fasciné de ses étudiants, n'est autre qu'André Delmas, figure de proue de la recherche anatomique en France. C'est lui qui fonde en 1953 le service d'anatomie des Saint-Pères et son centre de dons du corps. Des cadavres découpés au scalpel exposés ainsi en spectacle cathodique, dans les décennies 60 et 70, les pavillons de dissection des Saint-Pères apparaissent comme un temple du progrès. Il n'y a rien à cacher. Comme au micro de France Inter au début des années 2000, à l'école de chirurgie de l'assistance publique dans le 5e arrondissement de Paris. Donc notre patient arrive. On est bien ? Ah, les bistouris ! Essaye de ne pas casser ta lame de bistouri sur des structures osseuses parce qu'après, elle ne coupe plus rien. Qu'est-ce qu'on voit dans ce genou ? Voilà, les condyles, effectivement. Donc là, c'est un genou qui a un peu d'arthrose ici. Tiens, vous voyez, il a de l'arthrose, ce monsieur. Hein. Il avait de l'arthrose. Vous voyez ici, là, il y a du cartilage qui est blanc, qui glisse. Par contre, ici, il y a une zone qui est décartilaginée. Il avait de l'arthrose interne. Ouais, il n'a pas eu le temps d'en souffrir. Il a eu d'autres maladies avant. On a l'impression qu'on n'opère pas pour rien, là. Certes, mais qui a envie de voir sa dépouille ainsi dépecée par les mains malhabiles de jeunes étudiants ? Jusque-là, c'était des cadavres sans sépulture qui servaient pour les dissections, ceux des vagabonds, des indigents. Mais à la fin des années 50, des dizaines de centres de dons sont créés partout en France pour offrir la possibilité à chacun d'offrir son corps à la science, conformément à la loi de 1887 qui institue le libre choix de régler de son vivant les modalités de ses funérailles. Mus par leur foi dans le progrès ou par la crainte de faire payer d'onéreux obsèques à leurs proches, c'est plus d'un millier de personnes qui chaque année offrent leur dépouille à Paris Descartes. Alors, les capacités d'accueil du centre des Saint-Pères sont vite mises à l'épreuve. Répartie sur deux étages, avec sa zone d'embaumement, sa laverie, ses quelques 386 mètres carrés de chambres froides et ses salles de préparation, le CDC est pourtant le plus grand centre de dons en Europe. On imagine alors que celui-ci est régi par une stricte réglementation et géré par des professionnels soigneusement formés. Que nenni ! Novembre 75, Maurice, 32 ans, est au chômage depuis 6 mois. Il est marié, père de 2 enfants en bas âge. Dans la loge de gardienne où la famille réside, Maurice tombe un jour sur une petite annonce qui l'intrigue. Chauffeur embaumeur pour le centre de dons de l'Université Paris-Descartes. La tâche est à sa portée, ne demande aucune qualification. Il s'agit de transporter les corps des donneurs du lieu où ils sont décédés jusqu'au Saint-Père. Alors il accepte le poste et se détourne ainsi de sa vocation première. Maurice voulait faire boucher. Dans les années 80, il est peu à peu affecté à d'autres tâches. Sans aucune formation préalable, le voilà devenu préparateur en anatomie. Il apprend à embaumer les corps au chlorure de zinc, mais aussi à découper les membres sur les sujets frais pour créer des pièces anatomiques, des têtes par exemple. Alors imaginons la situation. Qu'advient-il du bon sens d'un homme quand il découpe ainsi des morts pendant près de 30 ans? C'est ce que tentent de comprendre les enquêteurs lorsqu'ils mettent Maurice en examen, à la retraite depuis 2011, pour atteinte à l'intégrité physique d'un cadavre, et ce, après les révélations de l'Express en 2019. Le centre a vieilli tout doucement. Les portes des frigos n'ont jamais été remplacées, mais réparées régulièrement. Mais je n'ai pas été choqué par l'état des locaux, puisque j'étais dedans. À mon époque, les corps ne pourrissaient pas. C'était rare qu'un corps ne soit pas utilisé pour cause de mauvais état. Pensez-vous avoir pu, à un moment donné de votre carrière, porter atteinte à l'intégrité d'un cadavre? Dans mon esprit, non. Dans votre esprit, mais avec du recul, que diriez-vous aujourd'hui? Quand on est dedans, on banalise ces choses, c'est sûr. Je respectais les corps en les manipulant avec précaution. Pour moi, ce n'était pas un bout de viande morte qu'on jette par-dessus les autres parce qu'il n'y a plus de chariot, par exemple. Si Maurice relativise l'état du centre lorsqu'il y travaillait, des diapositives datant de la fin des années 80 prouvent que le cinquième des Saint-Père était déjà pourri jusqu'à l'os. À tel point qu'en septembre 88, un chirurgien traumatisé par ce qu'il a vu au centre de Don décide de prendre des photos. Mais le poids de l'institution et de la corporation médicale était probablement trop lourd. Et ce n'est que 30 ans plus tard, après le déclenchement de l'affaire, qu'il transmet ses 13 diapositives à la journaliste autrice de l'article paru dans l'Express, Anne Jouan, un lanceur d'alerte. Sur une diapositive d'octobre 88, deux corps sont nus, tête baisse sur un chariot. Les pieds de l'un, noircis par la décomposition, collent la tête et le cou éclaté d'un autre. De la sciure de bois, ses rats absorbaient le mélange de fluide, détaille la journaliste sur son compte Twitter. En cette même année 88, le nouveau doyen de l'hôpital Necker, Philippe Évin, demande à visiter le centre de Don. À la même époque, Anne Jouan, et toujours 30 ans plus tard, raconte ce qu'il a vu. Ce jour-là, je suis seul avec le professeur Lasso. Je viens visiter les salles de dissection et la réserve de corps dans les chambres froides. Là, je vois des cadavres qui flottent à la surface d'un bassin qui contenait ce qui m'a semblé être du formol. Ils évoluaient au gré des mouvements de l'eau verdâtre. Ils utilisaient des harpons pour les attraper. J'ai dit à l'assaut « Comment peux-tu accepter de telles choses ?» Il a ri et m'a répondu que c'était le programme d'anatomie et que les choses avaient toujours été ainsi. Il m'explique que le centre connaît de gros problèmes financiers, qu'ils ont beaucoup trop de cadavres. Et de manière parfaitement naturelle, il me confie que le centre vend et envoie des corps en Afrique où ils sont démembrés puis disséqués. J'étais soufflé. Et la journaliste le posait alors la question qui nous brûle tous les lèvres, et le verdict tombe. Oui, tout le monde savait. Non, personne n'a réagi, confirme Philippe Évin. Le temps passe, des milliers et des milliers d'étudiants fréquentent les salles de dissection des Saint-Père, mais personne ne dit mot. Why does my heart Inter, affaires sensibles. Vous avez ici le bras gauche d'un cadavre qui a été disséqué de façon à étudier en totalité les structures nerveuses et leur rapport avec les muscles. Vous avez ici le nerf médian qui a été disséqué avec chacun des muscles qui ont été soulevés et qui sont sectionnés au niveau de leurs insertions. La peau est encore ouverte, mais va bien sûr être refermée de façon à restaurer l'intégrité de ce cadavre. Parole de médecin. En septembre 2001, le temple vieillissant de l'anatomie est en ébullition. Le célèbre urologue Guy Valencien, qui a soigné la prostate de François Mitterrand, fonde une école privée de chirurgie au sein même de l'université avec la bénédiction de son président, Pierre Domard. C'est au 5e et au 6e étage que l'école européenne de chirurgie, c'est son nom, prend ses quartiers dans le pavillon Nicolas, voisin du centre de Don. Afin de proposer des séances de dissection sur des sujets frais, elle pourra bénéficier des ressources du centre, moyennant quelques dépenses de mise à disposition. L'école propose ainsi des formations de chirurgie à prix d'or en utilisant la générosité des donneurs. Cette collusion entre le CDC et l'école de chirurgie privée ne fait pas bon ménage. En 2004, les liaisons deviennent de plus en plus dangereuses lorsque le même Valencien est nommé directeur du centre de Don. Oh, il y aura bien quelques voix pour clamer l'incompatibilité absolue de ces deux fonctions, mais aucune ne sera entendue, cause toujours. Le 12 octobre de la même année, le conseil d'administration de l'université se réunit pour décider du prix de la vente de corps pour les organismes extérieurs à l'école. Pour toute recherche publique, il est décidé de faire payer 500 euros les sujets et 250 euros les pièces anatomiques. Pour le monde industriel, 1000 euros pour un corps, 500 pour un membre. Une voix trop isolée s'offusque et dit « un corps n'est pas un objet de commerce ». Peu importe, c'est voté. Le centre des Saint-Pères voit dès lors son fonctionnement largement financé. Et l'école de Valencien rapporte des sommes colossales à ses actionnaires. Le magnat des cadavres lui-même, mais aussi une banque, une compagnie d'assurance, business. À la fin des années 2000, l'école de Valencien est toute puissante au 5e et 6e étage des Saint-Pères. Son PDG est un homme de pouvoir qui a conseillé tous les ministres de la Santé sous Chirac et sous Sarkozy. Il s'est fait un ennemi tout de même, et pas des moindres. Axel Kahn, célèbre généticien reconnu pour son travail sur l'éthique, il est nommé président de l'université en 2007. Et quand il découvre la politique régissant le temple de l'anatomie, il n'en croit pas ses yeux. En arrivant à la présidence, j'ai été très mécontent de voir qu'une entreprise privée utilisait les ressources publiques. 30% des corps du centre des dons partaient à l'école de chirurgie. Sans compter que Valencien faisait payer aux industriels plusieurs fois le prix des diplômes proposés à Descartes. Comment se débarrasser de cette école qui vampirise l'université de l'intérieur ? Eh bien, en lui mettant un concurrent direct sur son chemin. en 2011, le temple de l'anatomie accueille encore un nouvel arrivant. Cette fois, le loup entre dans la bergerie. Le centre humain s'est créé par le professeur Alexandre Mignon. Fleuron de la simulation médicale, robotique et réalité virtuelle en lieu et place des cadavres humains, l'humain s'installe dans le pavillon en face de celui de l'école européenne de chirurgie. Entre Valencien et Mignon, la guerre des chefs éclate. C'est à celui qui prendra le plus la lumière. Cocktails et visites officielles s'enchaînent au 5e et 6e étage des Saint-Père. Oublié de cette bataille des hautes sphères, le centre de dons ne suscite aucune attention, aucun projet de rénovation, ni même une simple réorganisation. Axel Kahn, aujourd'hui décédé, justifie étrangement son inaction. L'université s'étend sur 275 000 mètres carrés. Je ne suis pas allé partout. Le centre du don des corps n'avait pas un grand intérêt pour l'enseignement. C'est assez ésotérique pour moi qu'il y ait de la recherche anatomique. L'anatomie n'a plus vraiment d'intérêt. Je regardais ça de loin. Sur le papier, rien ne peut être reproché à Kahn. Il a quitté ses fonctions en 2011, remplacé par le polytechnicien Frédéric Dardel. Et à cette époque, aucune alerte n'avait été encore émise concernant l'état du centre, du moins aucune dont on a gardé la trace. Le professeur Mignon assure pourtant qu'il a fait part de son effarement au président Kahn suite à sa première visite du centre en 2011. Pour l'émission Secret d'Info sur France Inter, il livre ses souvenirs de ce moment terrifiant. Quand on arrivait au cinquième étage, la porte s'ouvrait et on tombait directement sur des frigidaires, des poubelles, et puis on était agressé par ce qu'on y voyait. Des corps qui étaient découpés, qui étaient posés un peu comme c'était possible, c'est-à-dire un peu n'importe où, des conditions totalement folles. J'ai fait des rencontres tout à fait dingues dans l'ascenseur, à savoir j'ai rencontré des corps qui partaient de l'université, qui sortaient, qui partaient en ville. Ils allaient dans des voitures de gens qui n'étaient pas du tout habilités. Et là, j'ai posé des questions. J'ai dit, mais comment c'est possible qu'on laisse faire des choses comme ça? Il y avait surtout des parties du corps. Il y avait une omerta, tout simplement parce que probablement, ça existait depuis assez longtemps. L'argent et la corruption, toujours. Pourri par la cupidité de ses dirigeants, le centre de dons semble également rongé par l'avidité de ses travailleurs. Car le petit ballet auquel a assisté le professeur Mignon témoigne de l'existence d'un trafic illégal d'ossements revendu sous le manteau pour quelques centaines d'euros. L'existence de pareils trafics est corroborée par d'autres témoignages recueillis par les journalistes Anne Jouan et Elodie Guéguin, en l'occurrence ceux de préparateurs en anatomie, pas tout à fait à l'aise avec les pratiques de leurs collègues. Dès le premier jour, j'ai compris pour le trafic. Il y avait de grandes portes en bois, puis un petit réduit avec du matériel, notamment des scies, des marteaux et des karcheurs. Sur un brûleur à gaz se trouvait une grande marmite dans laquelle il faisait bouillir des têtes. Au début, j'ai cru que c'était pour les cours d'ostéologie. J'ai demandé « Mais pourquoi vous blanchissez les os ?» On m'a répondu « Ça ne te concerne pas. » Sans faire de jeu de mots, ils faisaient quand même leur cuisine et récupéraient les crânes. Hein. C'est là que j'ai su que ce n'était pas pour de l'enseignement. J'ai vu les crânes partir dans des sacs à dos. Avant le départ des corps pour l'incinération, l'un des préparateurs avait aussi l'habitude de vider les cercueils avant que les policiers ne viennent poser les scellés. Il prenait tout ce qui était monnayable, essentiellement les têtes. Un crâne pouvait être vendu 500 euros. Alors imaginez si vous en vendiez 6 ou 7 en un seul week-end. Mars 2011, Maurice, le préparateur, part à la retraite. Non sans quelques souvenirs. Chez lui, les enquêteurs retrouveront des crânes, des dents, des sacs pleins de mandibules et de nombreux bijoux, probablement volés sur les corps de donneurs fraîchement arrivés au centre. Son jeune collègue, Jean-Rémy, lui est aux anges. C'est lui qui prend la succession de Maurice comme chef des têtes. C'est-à-dire qu'il aura le privilège, lui et lui seul, de découper les têtes sur les cadavres. Une fonction honorifique dans le petit monde autogéré des préparateurs en anatomie de Paris-Descartes. Passation de pouvoir, tradition, rituel, comme ce collier d'oreilles qu'on offre aux jeunes recrues. Le CDC est un sombre royaume au secret bien gardé. Enfin, bien gardé, en théorie. Car à partir de 2012, les alertes arrivent, un peu comme les emmerdements, en escadrille. En 2012, justement, un rapport de la médecine de prévention dénonce de graves dysfonctionnements au sein du CDC. Un mégot est retrouvé planté au milieu de viscères, Et bien pire encore, un cadavre atteint du VIH a été mis à disposition des étudiants par erreur. À la suite du rapport, Valencien s'insurge dans une lettre au nouveau président de l'université, Frédéric Dardel, où il dit qu'il existe des points à revoir, j'en conviens, mais de là à parler de graves dysfonctionnements, il y a un océan. En 2013, un audit mené par le doyen de l'université de Nantes note que les cadavres ne sont pas rangés décemment et que certains restes humains mériteraient plus de respect. Lors de la visite du centre, l'un des médecins présents s'est tout simplement évanoui. En 2015, c'est le cabinet KPMG qui va de son audit. Des problèmes considérables de fonctionnement, avec des erreurs de traçabilité des sujets et des erreurs d'étiquetage. Des confusions sur les consignes d'écarter tout sujet positif aux sérologies testées. Un personnel laissé sans consigne, sans contrôle, avec des possibilités de prise d'initiative malheureuses. Un manque de formation technique et déontologique des techniciens. Mais personne ne bouge. Cela dit, en mars 2016, Valencien est enfin écarté de l'université. Son école parasite ne lui survivra pas longtemps. Pour le remplacer au CDC, le président Dardel nomme le professeur d'anatomie Richard Douard et lui adjoint une nouvelle secrétaire générale, Dominique Ordet. Celle-ci se souvient de ses premiers jours, au micro de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Pour moi, c'était finalement un vieux rêve de travailler dans une université de Paris-Descartes. C'était une université, pour moi, prestigieuse. Quand je suis arrivée, il a fallu d'abord que j'apprivoise le bâtiment. Le centre des Saint-Pères fait 72 000 mètres carrés. Le calvaire commence immédiatement. Première plaie, une invasion de souris. D'innombrables rongeurs qui viennent se loger dans les chambres froides, attirés par l'odeur, probablement, et qui grignotent la peau des donneurs. Seconde plaie. Au printemps, les vieux frigos qui datent de 1953 tombent en panne. Il fait 17 degrés dans les chambres au lieu des 4 requis. Alors les corps pourrissent, les mouches prolifèrent et pondent dans les entrailles des cadavres. On nettoie comme on peut. On trie les corps en espérant ne pas mettre à disposition des étudiants des sujets infestés de vers. Troisième plaie, l'hygrométrie qui s'emballe et accélère la putréfaction des corps. L'odeur est insoutenable. Quatrième, la pire, probablement, la folie qui s'empare des hommes. Et les anecdotes sordides ne manquent pas concernant le comportement des préparateurs. Certains jouent au foot avec les têtes, d'autres, paraît-il, préfèrent les fléchettes. Un jour qu'elle rentre à son bureau, Dominique Ordet tombe nez à nez avec le visage nécrosé d'un homme sans corps déposé là, sur le seuil de sa porte. Une menace ? Oui. Parce que le royaume des morts ne peut pas être réformé et son roi, le chef des têtes, Jean-Rémy, est ingérable. Alcoolique et colérique, il fait régner la terreur dans le centre. Pas de doute, Dominique Ordet est en enfer. Mais elle ne perd pas pied, elle multiplie les rapports à ses supérieurs. Et en novembre 2016, elle prend une vingtaine de clichés prouvant la gravité de la situation. Ceux-ci font l'objet d'un rapport transmis en main propre par Richard Drouard à Frédéric Dardel. 8 millions d'euros sont alloués dès le mois suivant pour des travaux de rénovation. Mais pendant 2 ans, rien n'est entrepris avec cet argent. Alors, l'odeur infecte qui s'échappe des couloirs continue et ne trompe personne. Tout le monde est au courant, le président de l'université, évidemment, le doyen de la faculté de médecine, Gérard Friedlander, mais aussi le nouveau directeur du centre Illumins, Antoine Tenière, le futur conseiller coronavirus d'Olivier Véran, qui se plaint régulièrement de la puanteur. 2016, 2017, 2018, alors que les pontes de l'université multiplient les ronds de jambes lors des défilés Chanel et autres galas de stars qui rapportent des sommes colossales à l'université, des centaines de cadavres pourrissent dans le gigantesque placard qu'est le CDC. Dominique Ordet, seul, se débat comme un beau diable. Mais à jour de février 2018, c'en est trop. Peu de temps après aussi, j'ai découvert qu'il y avait une chambre froide négative dans laquelle se trouvaient des centaines et des centaines de pièces anatomiques qui étaient posées les unes sur les autres. J'ai fait des photos. Et ensuite, j'ai saisi parallèlement l'ingénieur de prévention J'ai aussi envoyé ces photos à l'administratrice du bâtiment pour qu'elle voie ce qui se passait donc dans les chambres froides. Le lendemain, j'ai souhaité montrer ces photos aux personnes qui m'interrogeaient pour qu'elles comprennent la situation du centre du nom des corps. Mes interlocutrices n'ont pas souhaité voir ces photos sans qu'elles m'expliquent pourquoi. Encore un rapport, encore des photos, encore le silence pour seule réponse. Dominique Ordet craque. Elle demande sa mutation. On lui la refuse. Elle est mise à l'arrêt, en arrêt de travail. Mais à son retour, la situation est encore pire. Le jeudi 7 juin à 18h30, elle envoie un mail bouleversant à 6 personnes, dont le doyen Friedlander et le professeur Antoine Tenière. Et elle écrit. Ça fait un peu plus de 2 ans que toute ma vie a été focalisée autour de Paris Descartes. Et j'ai découvert peu à peu l'inimaginable. Les canalisations n'ont pas été débouchées depuis plus de 20 ans. Les sols n'ont pas été nettoyés à fond dans les chambres froides depuis 20 ou 30 ans. Il n'y a jamais eu de décontamination. Les pratiques utilisées par les préparateurs sur les pièces anatomiques relèvent de scènes macabres. La barbarie n'est pas loin. Le 15 juin, à bout de force, Dominique Ordet quitte le centre. Mais son acharnement n'aura pas été vain. Durant l'été 2018, en effet, un grand ménage est opéré en secret. Des centaines de corps partent directement à la crémation. Les locaux sont entièrement vidés, nettoyés, désinfectés. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur le flair de la journaliste Anne Jouan. En novembre 2019, son article « Un charnier au cœur de Paris » fait l'effet d'une bombe. Photo à l'appui, elle révèle au commun des mortels ce qui fut caché pendant des décennies derrière les murs du Temple du Progrès. Le centre de dons des Saint-Père est définitivement fermé par décision ministérielle dès le mois de décembre 2019. Au fil des macabres découvertes, on tente de comprendre l'enchaînement des faits et de déterminer les responsabilités. Mais 30 années d'omerta ne se démêlent pas si facilement. Classique, on s'attaque au plus faible d'abord, au fusible. Maurice et Jean-Rémy sont rapidement mis en examen. Le président de l'université, Frédéric Dardel, est lui discrètement exfiltré et trouve refuge comme conseiller de la ministre Frédéric Vidal avant que la polémique n'enfle encore et qu'il soit recasé comme conseiller à l'INSERM, une institution publique prestigieuse mais beaucoup moins exposée. Mais en juin 2021, tout de même, il est mis en examen. Et les autres? Si Axel Kahn est aujourd'hui décédé, qui peut répondre devant un tribunal d'avoir laissé perdurer pareille pratique? Guy Valencien? Gérard Friedlander? Antoine Tenière? Des hommes puissants, qui se défendent avec acharnement et ont des amis jusqu'au sommet de l'État. Sont-ils protégés? On a peine à croire que ce secret de polichinelle au sein de l'élite médicale française ne soit jamais remonté aux oreilles des ministères auparavant. Cette histoire-là ne fait donc que commencer. C'est l'histoire de plus de 200 familles de victimes qui sont à présent unies pour défendre la mémoire de leurs proches. Ces milliers de généreux donateurs, altruistes jusque dans la mort, trompés et profanés par les vivants. Quiconque a emprunté la route vers toujours, on ne l'a pas revue. On n'a pas essayé. Certains chemins qu'on prend ne sont pas balisés. Ne nous étonnons pas s'ils sont sans retour. On traverse des champs et on gagne une haie. Puis on s'enfonce un peu sous une frondaison. Déjà sans le vouloir, on est dans la forêt. Et on devine alors qu'on n'a plus de maison. Un peu déçu aussi. Oui, c'est comme ça vraiment que les choses se passent. Quand on prend sans vouloir la route vers toujours, comme tout ce que l'on fait qui un jour nous dépasse. Ne nous étonnons pas que ce soit sans retour. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le charnier de Paris Descartes. Nos invités, Anne Jouan, bonjour. Bonjour Fabrice. La journaliste à l'origine des révélations, bravo pour ce travail d'enquête. Et David Arthur, bonjour. Bonjour Fabrice. Fils de José Arthur, notre José Arthur, que certains et certaines ici ont bien connu, dont moi. Voilà. Dont vous. Exactement. Vous êtes le vice-président de l'association Charnier Descartes Justice et Dignité, qui regroupe plus de 200 familles d'honneur qui ont porté plainte auprès du parquet de Paris et dont nous avons parlé pendant ce récit. Je commence avec vous, David. Que ressent-on en tant que fils quand on apprend que la dépouille de son père a peut-être été la victime de pareils agissements? A été la victime de pareils agissements. Écoutez, moi je l'ai appris par hasard, parce qu'en fait je reçois un jour divers coups de fil de personnes qui me disent: une journaliste qui te cherche dans Paris, est-ce qu'on peut lui donner tes coordonnées? Je dis oui, bien évidemment. Et Anne Jouan m'appelle et me dit: est-ce que vous avez lu l'article concernant le charnier de Paris Descartes? On était en janvier 2020. Je lui dis non, pas du tout, j'ai rien lu, je suis pas du tout au courant. Elle me dit mais pourtant, elle commence à vouloir m'expliquer. Je lui dis écoutez, envoyez-moi l'article, je le lis et je vous rappelle. Je dois reconnaître que le mot stupéfaction est un peu, on l'imagine, oui. un peu faible par rapport à ce que je me suis pris comme scut sur la figure. Je la rappelle dans la foulée. Effectivement, j'étais très loin de savoir ce qui s'était passé. Et mon père, qui dans son altruisme naturel avait souhaité donner son corps à la science, puisque il avait décrété qu'il n'aurait pas d'obsèques nationaux, voilà. Donc je tombe des nues. Je m'aperçois, voilà, je tombe vraiment des nues. Et puis, suite à ça, on en discute avec Anne, je lui donne mon ressenti pour qu'elle puisse le publier dans un journal. Et Anne me dit, écoutez, il y a une réunion qui va se passer avec d'autres familles de donneurs à la mairie de Paris dans un mois. Est-ce que vous... Ça serait bien si vous y alliez. Voilà. Est-ce que vous accepteriez d'y aller? Bon, je dis oui. Et je me retrouve à la mairie de Paris dans un salon avec... une cinquantaine de personnes, oui, entre 30 et 50 personnes qui étaient là. Et effectivement, on avait tous comme point en commun d'avoir un parent qui avait fait le souhait de donner son corps à la science pour aider son prochain. Et qui ressentait donc la même chose que vous. Et qui ressentait la même chose que moi. Alors, peut-être qu'il ressentait... Non, d'ailleurs, qu'il ressentait les choses de manière plus violente que moi. Parce que j'ai été élevé par quelqu'un qui m'a élevé avec un certain détachement des choses, et voilà. Ça vous rappelle José Arthur. Son ironie en bandoulière. Voilà. Donc j'ai été élevé avec cette ironie en bandoulière, mais aussi avec le fait d'être là pour les autres. D'accord. Et, voilà. Et vous êtes devenu donc le président de cette association qui lutte. Les difficultés face auxquelles vous êtes confronté, quelles sont-elles pour l'instant? Parce que j'imagine que c'est pas facile. Pas facile. Ah, elles sont très simples. On est dans un scandale qui est à la fois universitaire, scientifique et politique, qui est peut-être en regroupant ces trois entités-là le scandale le plus important de ce début de 21e siècle. Vraiment, sur ces entités-là, il y en a d'autres, mm-hmm, bien évidemment, plus importants. Non, ce qui se passe, c'est qu'on est... il y a une instruction, et on est face aujourd'hui, vous disiez le mot dans vos commentaires, on est face à une omerta. On est face à un problème qui va dans les hautes sphères politiques, c'est-à-dire que des gens comme Guy Valencien, comme Gérard Frilander, comme Antoine Ténière ont des ramifications. Des hommes puissants. Non, mais ce sont des hommes puissants, il faut le dire. Ils ont des ramifications. C'est peut-être important de préciser à ce point-là que, oui, que, la femme, que la femme de Gérard Frilander est l'une des conseillères d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Voilà, et que Guy Valencien est allé chercher de l'argent pour l'élection d'Emmanuel Macron, la première élection. Donc on est vraiment dans une très grande ramification. Mmh. Et la chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a une instruction. Et cette instruction, elle, on va dire, elle est poussive. On va y revenir. Je vais donner la parole à Anne, qu'on n'a pas entendue pour l'instant, un petit peu seulement. Comment ça s'est passé au début, Anne Jouan? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller à fond dans cette enquête? Qu'est-ce que vous avez pensé, ce que vous avez découvert, et aujourd'hui, c'est vraiment pareil. C'est une enquête très utile, parce que ça débouche sur une action judiciaire, on sait ce qui se passe, c'est très très utile. Qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau-là? Je sais pas trop dire ce que je ressens. Pour revenir à votre question sur le comment de cette enquête, en fait, elle commence incidemment il y a plusieurs années. J'étais dans le métro, je me souviens très bien. Un chirurgien me téléphone pour me parler de plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle une source dans le journalisme. Et au cours de cette discussion, ce chirurgien est assez bouleversé. Il me dit, il se passe des choses horribles au sein du don des corps des Saint-Pères. On revend les cadavres. Et petit à petit, je me rends compte que dans le wagon du métro, les gens s'éloignent de moi. Je comprends pas très bien pourquoi. Et assez rapidement, je comprends qu'on est en train de parler de corps et de membres découpés. Donc, je descends du métro pour aller sur le quai du métro. On continue la discussion. Il me promet de m'envoyer des documents. J'arrive au journal. Je parle de cette conversation. Personne semble connaître le sujet. Et il m'enverra finalement jamais ces documents. Plusieurs années plus tard, 5-6 ans plus tard, c'est l'été, je reçois un coup de fil d'une autre source qui n'a rien à voir avec celle-ci. Ils se connaissent pas, ils ont pas le même âge, ils font pas le même métier. Et au cours d'une discussion de 2h30, ce genre de discussion fleuve qu'une source peut des fois avoir avec vous, elle me glisse cette petite phrase. De toute façon, à Paris Descartes, on ne respecte pas aussi bien les morts que les vivants. Et là, la petite lumière s'allume dans ma tête et je repense à la discussion du métro. Et ça sera le début de toute l'enquête. Une enquête. Bien sûr. Alors, il y a cette fameuse photo du centre prise par Dominique Ordet en 2017, publiée en septembre 2020, je crois, par Paris Match. C'est pas adjoint. Non, c'est Paris Match qui publie. Paris Match qui publie. C'est pas l'Express. C'est pas l'Express, mais c'est l'Express qui révèle. Vous avez les photos avec vous, je crois. Alors, je vous ai apporté les photos de 1988, celles dont parle le doyen Philippe Even. Mmh. Ce sont des photos qui ont été prises par un chirurgien à l'époque, et il me les envoie pour que j'en fasse bon usage. Je vous les laisse les décrire à vos auditeurs. Ah ben ça va pas être facile, moi, à le faire quand même. Donc, oui. Là, on voit des pieds nécrosés. Là, on voit effectivement des cadavres. Alors, oui, en fait, ça correspond exactement à l'univers là que je vois. Ces photos correspondent tout à fait à ce qu'on a décrit. C'est pas facile à regarder. Hein. C'est effectivement complètement sordide. On voit les corps dépecés, entassés. C'est ça aussi, cette... Oui, ils sont superposés, en fait. Superposés. Là, plus je tourne, plus c'est dur. Hein. Ouais, là, effectivement, ils sont superposés, ils sont découpés, les membres sont placés sur un plastique bleu, comme on placerait n'importe quoi. Voilà, j'arrête là, pas non plus traumatiser cet après-midi les auditeurs de France Inter. C'est pas beau à voir, c'est loin qu'on puisse dire. En fait, le mot charnier qui a été utilisé par l'Express pour décrire cette histoire en novembre 2019, à l'époque, quand on choisit le mot, on ne le sait pas encore, mais c'est le mot qui sera utilisé, enfin qui était utilisé à Descartes, notamment par des gens comme Dominique Ordet, l'ex-retraitaire général. C'est-à-dire que des gens comme nous, novices, feront finalement la même analyse que des gens qui travaillent à Descartes. Et le mot charnier ne sera pas du tout exagéré. David Arthur, le 28 avril dernier, un décret a été pris pour imposer des nouvelles règles et mieux encadrer le don du corps, conséquence directe de ce scandale. Hein. C'est suffisant pour vous ? Non, c'est une avancée, c'est un pis-aller avant le départ de Frédéric Vidal de son ministère. Voilà, il fallait faire quelque chose. Il fallait dire qu'on fait quelque chose. Non, c'est absolument pas suffisant. Il y a une chose qui est assez intéressante dans ce rapport, c'est qu'il doit y avoir un encadrement du don des corps par la société civile. Ce que nous, on avait demandé au sein de l'association. Jusqu'à aujourd'hui, alors c'est un peu nébuleux, parce qu'on avait dit, écoutez, voilà, on a une association, on est directement concerné, on aimerait quand même pouvoir avoir des représentants dans chaque CDC de France pour pouvoir vérifier ce qui se passe. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse sur cette question-là. On a entendu dire que ils allaient prendre des personnes en local, qu'il allait y avoir un responsable administratif qui allait faire le tour des CDC, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de monde dans l'administration. Il y en aura de moins en moins. Donc voilà. Donc on est, si vous voulez, on est un peu dans du flou artistique, dans une nébuleuse, et on demande réellement. Il y a deux choses qu'on demande, nous, tout simplement. Permettez-nous justement d'être ces personnes qui vont visiter et qui permettront que ce qui s'est arrivé ne se passe plus à nouveau. Et puis, à côté de ça, entendez-nous. Ces photos qu'Anne Jouan vient de vous montrer, on envoie à partir de demain, pour justement essayer de briser cette omerta, un courrier à la présidence de la République, à la première dame et au premier ministre, pour qu'on puisse être reçus, pour leur montrer ces photos, leur montrer les preuves, et peut-être faire en sorte que la justice soit indépendante dans cette affaire et qu'effectivement des gens comme Guy Valencien puissent être entendus. Bon, j'en reviens à vous, Anne Jouan. C'est particulier d'écrire « Travailler sur le milieu médical », que peut-on craindre ? Les préparateurs, notamment, je crois que vous avez eu maille à partir avec des préparateurs. faut pas tomber malade, hein. Faut pas que Anne déjà, ait besoin d'un médecin. Un préparateur qui m'a gentiment rappelé qu'il avait une scie chez lui. Non, ce qui est particulier dans cette histoire, c'est qu'en fait, en général, quand vous travaillez sur un scandale, les gens savent qu'ils sont victimes avant de vous lire. Souvent, ce sont même eux qui vous contactent pour vous prévenir. Là, on était dans une situation extrêmement particulière, à savoir que c'est vous qui allez annoncer à des gens qui s'en doutent absolument pas que leur père, leur mère, leur oncle, leur frère ont fait partie d'un charnier. Oui. Donc la difficulté était vraiment là et je trouve que c'était pour nous le plus compliqué. Effectivement, quand j'appelle David pour lui dire que son père faisait partie du charnier, c'est sûr que ce sont des moments un peu particuliers. Ouais. Ouais, David ? Particulier, et j'en viens à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivé à la mairie de Paris pour cette réunion, à la fin, je suis tombé sur trois femmes qui sont venues me voir, en me disant, écoutez, voilà, ça fait 2 mois que ça a été révélé. Une avait fait un séjour, on va dire, en hôpital psychiatrique. La deuxième ne dormait plus depuis 2 mois et passait ses nuits à chercher des photos pour essayer de comprendre ce qu'on avait pu faire de sa mère. Et la troisième était en dépression complète. Et elles ont eu une phrase, elles ont eu « Est-ce que vous pouvez venir avec nous ?» Parce qu'on a affaire à des gens qui sont puissants et on n'a pas d'armes face à eux. Et vous, entre guillemets, vous avez été élevé dans ce milieu-là. Et donc, effectivement, ça voulait dire vous en avez rien à foutre de qui ils sont et de ce qu'ils représentent. Donc voilà, la réalité, elle est là. Et c'est vrai que ce que dit Anne est vrai, c'est que ce qui est terrible, c'est que c'est un drame humain. Mais il y a des gens qui vont devoir vivre avec ça toute leur vie. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce qui est fait est fait. Voilà, ce qui est fait est fait. Et c'est pour ça que cette association a existé. C'était pour que personne ne soit seul face à ce quotidien et face à ce malaise. C'est surtout ça. Et aujourd'hui, au nom de ces gens, pour ces gens, on doit se battre pour que, effectivement, des gens puissent être entendus. Et moi, je crois énormément dans la présomption d'innocence. Mais j'aime aussi que les gens puissent aller répondre aux questions qu'on a à leur poser. Et une semaine avant sa mort, j'ai entretenu une longue conversation à plusieurs reprises avec Axel Kahn, j'avais la chance de connaître. On a eu une vraie discussion sur ce qui s'était passé. Il est parti sans remords, mais je lui ai fait entendre ce qu'effectivement les familles des victimes avaient à entendre. Ça, il l'a entendu. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, mais avant tout, cette affaire est une affaire humaine. Et ce qui va se passer, votre émission va énormément servir cette cause. Et puis, les gens vont en parler. Et puis, dans une semaine, tout le monde n'en parlera. Plus personne n'en parlera parce que c'est un sujet qui dérange. Voilà. Quand Axel Kahn, dans le son que vous avez passé tout à l'heure, dit que, grosso modo, l'anatomie, ça ne l'intéresse pas, il faut quand même savoir qu'en novembre 2010, il signe la préface d'un livre publié par Science et Vie, qui s'appelle « Science et Vie présente le corps humain ». C'est un livre du docteur Sarah Brewer. Et la quatrième de couverture est une citation d'Axel Kahn que je vous lis. Oui. « Ce superbe ouvrage constitue le point de départ le plus actuel des démarches entreprises afin d'offrir une vision du corps humain. » Axel Kahn, président de l'Université Paris-Descartes, extrait de sa préface. Pour quelqu'un que l'anatomie n'intéresse pas, je trouve que c'est quand même assez parlant. Oui, c'est dédouané, quoi. Qu'est-ce que vous pensez ? Non, il y a plus de choses. C'est une question que je pose. Oui, non, mais pour vous répondre, il y a plus de choses derrière. C'est-il dédouané ? Non, il s'est pas dédouané, mais il y a une chose qui est très simple, c'est que Frédéric Dardel et Antoine Ténière sont les deux poulains d'Axel Kahn. Donc, quand Frédéric Dardel prend la succession d'Axel Kahn au sein de l'université. Donc, si vous voulez, c'est une très grande famille, une très belle famille, avec des gens qui ont sauvé des vies. Ça, faut quand même le rappeler. Faut le rappeler. Ce sont des gens qui, dans leur métier, ont sauvé des vies. Mais ce sont des gens qui ont été les fossoyeurs de l'anatomie française. Et à côté de ça, Anne vous parlait des photos de 88, on va remonter jusqu'en 82. On va faire un calcul très simple, puisqu'on a des témoignages que c'était comme ça en 82. 37 ans, une moyenne de 800 corps par an donnés à l'université. On est à 29 600 personnes qui ont été dans l'état de décomposition que vous aviez sur les photos. 29 600 personnes, et je suis sur un chiffre qui est light. Alors, parce qu'il y a effectivement ce côté humain, en l'occurrence inhumain, et puis il y a le côté crapuleux aussi, il y a le côté fric, le côté business. Il y a un vrai côté business. C'est la dimension importante de l'affaire. Il y a une vraie question d'enrichissement personnel. L'école européenne de chirurgie, c'est 1 600 000 euros de chiffre d'affaires par an. Alors, un chiffre d'affaires qui est quand même un peu particulier, parce que on met à disposition une matière première qu'on paye pas très cher, des locaux qu'on loue pas très cher, et on va revendre tout ça à des grands groupes industriels pour beaucoup d'argent, et on n'a pas beaucoup de salariés au sein de l'école européenne de chirurgie. On va dire que sur 1 600 000 euros de chiffre d'affaires, je vous donne 800 000 euros de bénéfices par an. C'était ça le sens de l'appel du chirurgien dans le métro dont je vous parlais. L'objet de son appel, c'était de dire, finalement, on vend des corps et des morceaux de corps à l'industrie, que ce soit l'industrie pharma ou l'imagerie, et les donneurs ne sont pas au courant, parce que vous parliez d'argent, mais il y a aussi le problème de la tromperie. Quand les gens donnent leur corps, on leur dit que c'est pour la science. On leur dit absolument pas que ça peut être testé dans des crash tests de voiture, que ça peut être testé pour des prothèses. Il y a un manque de transparence. Pour des explosions dans des chars, par exemple pour le militaire. Alors moi, je comprends qu'on puisse qu'on ait besoin de corps pour faire avancer l'armée. Mais si vous donnez votre corps et que vous êtes antimilitariste et que vous finissez dans un char pour une expérience, votre mémoire n'est pas respectée. Aujourd'hui, pour résumer, et c'est terminé, quand vous achetez des œufs, vous connaissez quasiment le prénom du volailler. Quand vous donnez votre corps à la science, le corps est quand même quelque chose d'essentiel, indépendamment de la portée symbolique. Vous le donnez à Descartes, vous ne savez pas ce qu'il devient. Et vous ne savez pas en combien de morceaux il est découpé. Est-ce que ça, c'est normal ? Effectivement. Alors, il reste 20 secondes. David, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à des gens qui veulent donner leur corps à la science ? Parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Ah, moi, je conseille de le donner, et c'est important de le donner, tant que Frédéric Dardel n'est pas président de l'institution. Non, mais en dehors de blague, ça, c'est très important. 5 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Et une dernière chose, on a des photos et des preuves et plein de choses à donner à la juge d'instruction. On a fait la demande pour que le dossier puisse s'agrandir. Et que surtout, qui est une vraie procédure judiciaire. Et donc, nous attendons aujourd'hui d'être reçus par la juge. Voilà, stop. On a tout compris. Merci infiniment, madame, monsieur. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le charnier de Paris Descartes. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Elisabeth Collet.